Nihilisme pandémique, meurtre social et banalité du mal. C'est un texte de Nett Holdren, publié chez Cabriole. Ce début d'octobre 2022, c'est une traduction que le collectif Cabriole a mis en ligne pour nous aider à réfléchir et à avancer ensemble. Nett Holdren est l'auteur de Injury Impoverished et contribue occasionnellement à Bill of Health, Legal Form et Organizing Work. Il vit dans l'Iowa où il est employé comme professeur associé dans le programme de droit, politique et société de l'université Drake. Un texte précédent avait déjà été traduit par le collectif Cabriole et qui s'appelle « Dépolitiser le meurtre social dans la pandémie de Covid-19 ». Tous ces textes sont à retrouver sur le site de Cabriole, dont je donnerai l'adresse dans la description de la lecture. Et donc voici cette lecture. Chaque jour, la pandémie met fin à la vie de nombreuses personnes et en aggrave irrévocablement d'autres. Ces pertes quotidiennes ont une importance inestimable sur le plan humain, mais elles ne comptent pas pour les institutions publiques et privées qui régissent nos vies. Notre souffrance est sans conséquence pour la machine du pouvoir et pour celles qui composent et font fonctionner cette machine. Cela a toujours été le cas. Mais dans cette phase de la pandémie, notre souffrance a été annihilée et considérée non seulement comme sans conséquence, mais aussi comme inévitable par l'administration et les voix qu'elle a entretenues comme ses porte-paroles. Considérez par exemple les remarques de la secrétaire de presse de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre, lors de l'infection au Covid-19 du président Biden en juillet 2022. Citation. Comme nous l'avons dit, presque tout le monde va contracter le Covid. Fin de citation. Le nihilisme dont fait preuve l'administration Biden est à la fois commode et nécessaire pour le personnel qui contribue à intensifier les dommages évitables de la pandémie, qui équivalent à ce que Friedrich Engels appelait un meurtre social. L'objectif d'une grande partie de la politique de l'administration est de dépolitiser ces dommages afin de ne pas avoir à en assurer la responsabilité. Il semble qu'il n'y ait pas de limite intrinsèque à ce que l'administration tentera d'accomplir pour atteindre cet objectif. Quiconque attend que la conscience des fonctionnaires se réveille doit se préparer à un hiver long et difficile. À cette fin, les membres du gouvernement, les employeurs et employeuses et les cadres intermédiaires qui contribuent à causer des dommages évitables présentent une variante de ce que Hannah Arendt appelait la banalité du mal, une insouciance délibérée et un manque d'imagination cultivée par les exigences de la bureaucratie et la poursuite de la réussite professionnelle. Ce sont des personnes qui n'ont aucun mobile autre que de chercher à obtenir un avancement professionnel. Les institutions sélectionnent des fonctionnaires capables de donner l'apparence de sincérité en faisant ce qu'on leur dit et de rationaliser des ordres inconfortables. Plus les gens passent de temps à ces postes, plus ils s'améliorent dans ces opérations mentales. Et la sincérité devient plus qu'une apparence. L'objectif de ces fonctionnaires est, en partie, d'aider les institutions à faire face aux pressions plus larges générées par ce que le philosophe Tony Smith appelle l'impératif de valorisation, c'est-à-dire l'exigence dans notre société que toute activité sociale soit rendue compatible avec la génération continue de profits. Une grande partie du mal banal de la pandémie provient du fait que les institutions ne veulent pas supporter les différents types de coûts que la société capitaliste génère, même si cela entraîne la souffrance et la mort d'autres personnes. En effet, une organisation qui sort relativement indemne financièrement de la pandémie au prix de mort d'autres personnes est une organisation prospère, selon les normes sociales du capitalisme. Ce type de société sélectionne les comportements antisociaux et cette pression de sélection agit d'autant plus intensément en haut de la chaîne alimentaire. Je sais tout cela, mais pour une raison ou une autre, je continue d'accueillir les derniers rebondissements de la pandémie avec incrédulité et avec le sentiment viscéral que les responsables publics vont sûrement faire quelque chose. Cette attitude est particulièrement éprouvante sur le plan mental. Et je sais que je ne suis pas le seul dans ce cas. J'ai perdu le compte du nombre d'amis et d'amies qui m'ont demandé discrètement « N'as-tu jamais l'impression de perdre la tête à cause de tout cela ?» Peut-être ressentons-nous ce que les puissants refusent de ressentir. Je ne suis pas sûr. Le philosophe et critique littéraire Walter Benjamin a écrit un jour que « s'étonner que les choses que nous vivons soient encore possibles n'est pas le début d'une connaissance, si ce n'est la connaissance que la représentation de l'histoire qui l'engendre n'est pas tenable. » Je continue à me trouver surpris et consterné chaque fois que les autorités agissent conformément à leur habitude de longue date de traiter les effets de la pandémie comme des difficultés politiques qu'il faut contourner plutôt que comme une catastrophe sanitaire à laquelle il faut s'attaquer de manière substantielle. Conformément à l'observation de Benjamin, je continue à tirer de cet étonnement répété et affligeant, la seule leçon que je suis encore sous l'emprise de certains mythes concernant la classe dirigeante et ses fonctionnaires. Alors que je me répète la désagréable constatation que l'aide ne viendra pas d'en haut et que j'essaye de me défaire des hypothèses qui me préparent à un futur étonnamment désagréable, je reviens sans cesse à deux œuvres d'art. La première est une scène du film « And the Band Played On », basée sur le livre du même nom, à propos de l'épidémie de sida. Au cours d'une audience du Congrès, un représentant de l'industrie du sang se moque de l'idée de dépenser 100 millions de dollars simplement, ouvrez les guillemets, parce que nous avons eu une poignée de décès par transfusion et 8 hémophiles morts, fermez les guillemets. Le film est un peu daté dans la mesure où certains des héros travaillent au CDC. Imaginez. Le nihilisme du calcul coût-bénéfice exprimé dans cette scène, à savoir que les morts sont tout simplement trop peu nombreux pour que le coût en vaille la peine, est aussi effroyable aujourd'hui que lorsque je l'ai vu pour la première fois. Mais il m'a fallu du temps pour réaliser le degré de consensus des élites sur ce nihilisme, à l'époque comme aujourd'hui. Le même nihilisme a conduit à l'inaction face au sida, aux accidents du travail qui se produisent régulièrement dans l'économie, et à la réponse du gouvernement à la pandémie de Covid. La deuxième est « It's about blood », une chanson de Steve Earle sur une catastrophe minière qui aurait pu être évitée et qui a tué 29 mineurs en 2010. « Regarde-moi dans les yeux », demande Earle dès les premiers mots, imaginant une confrontation avec une personne responsable des violations de la sécurité qui ont contribué à causer la catastrophe, et fantasmant sur le fait de vraiment l'atteindre. Il conclut sur le premier couplet de la chanson. Avant que nous partions d'ici, tu vas comprendre. La chanson de Earl exprime une indignation justifiée face à ces décès évitables. Comme le soulignent le titre et le refrain de la chanson, il s'agit de sang. Un point qu'il développe en opposant deux systèmes de valeurs, l'état de l'économie, la réalité fiscale, les profits et les pertes, tout cela n'a pas d'importance une fois que vous êtes sous terre de toute façon. Ajoutant qu'après la mort des 29, quiconque s'intéresse à des questions économiques aussi réductrices ne peut certainement pas me parler de coûts. C'est percutant. Pourtant, en même temps, ce que la chanson imagine dans sa colère est irréaliste, parce que trop optimiste. La fiction de regarder les puissants dans les yeux et de les voir nous regarder en retour, nous voir vraiment, est satisfaisante, en partie parce qu'elle permet d'éviter l'horrible réalité qu'ils ne nous regardent pas du tout, mais seulement par-dessus nous. Les personnes responsables des morts de la pandémie ne regardent pas vraiment les gens dans les yeux, en tout cas, pas quand cela ne convient pas à leurs objectifs professionnels, et ne comprendront donc jamais. Et elles ne peuvent pas non plus se faire dire quoi que ce soit sur le coup, au sens où Earl l'entend à juste titre. Il est difficile de garder à l'esprit ce fait, à savoir que nos vies et nos êtres chers sont si peu importants, car cela est effroyable. Bien sûr, le gaslighting, la manipulation de la mémoire politique et managériale persistant, n'aide pas non plus. J'aimerais croire que ce portrait est un peu exagéré et espérer que les membres du gouvernement et les cadres moyens et moyennes et supérieurs sont en fait désagréablement conscients et conscientes des préjudices qu'ils et elles contribuent à infliger aux personnes vulnérables, ressentant un certain dégoût pour leurs propres actions. Je suis sûre qu'ils essaieraient de penser à autre chose, peut-être en soulignant le bien qu'ils et elles font ailleurs dans leur sphère d'influence, dont ils s'empressent de souligner les limites. Mais nous savons, grâce au principe de Spider-Man, que le pouvoir implique une responsabilité directement proportionnelle. C'est pourquoi les puissants, lorsqu'ils ont besoin de retrouver leur légitimité ou de soulager leur conscience, minimisent l'étendue de leur pouvoir. Si vous me le permettez, le dernier chapitre de mon livre porte sur un médecin taillé dans cette même étoffe, un homme sensible et père dévoué, au dire de tous, qui a mis sur pied un programme de discrimination à l'embauche contre les personnes handicapées, ses réticences personnelles n'ayant apparemment aucune incidence sur ce qu'il a réellement fait. Le gouvernement et les employeurs et employeuses n'apporteront pas plus de justice qu'il y ait, ni seront contraints et contraintes par les conséquences politiques que nous créerons, ni plus, ni moins. Pour reprendre un vieux slogan militant, il n'y a pas de justice, il n'y a que nous. Notre tâche est de déterminer quelles sortes d'activisme et d'organisation peuvent créer des conséquences significatives pour les divers fonctionnaires banals qui mettent en œuvre et encouragent ce nouveau mal. Notre objectif devrait être de mettre fin à la pandémie de manière substantielle, en promouvant la justice et la santé humaine réelle, plutôt que de lui donner une fin purement idéologique en normalisant le meurtre social. À plus long terme, notre objectif devrait être de mettre fin aux formes sociales qui rendent cette société meurtrière à bien des égards, pour faire de cette catastrophe la dernière du genre, plutôt que ce qui menace d'en être une parmi tant d'autres, alors que l'urgence climatique mondiale continue de s'aggraver. J'admets que je trouve tout cela incroyablement intimidant. Pourtant, à part peut-être la chance, il n'y a pas d'autre point de départ à partir duquel nous pouvons raisonnablement espérer que ce cauchemar se termine. Vraiment. Voilà, c'est la fin de ce texte de Nat Holden, traduit par le collectif Cabriole. Nihilisme pandémique, meurtre social et banalité du mal. Il est à retrouver sur le blog du collectif Cabriole à l'adresse https://cabriole.substack.com. Et je vais terminer avec la traduction d'une prise de parole que Cabriole a publiée récemment sur son Twitter. Donc ça se retrouve sur Twitter, l'identité Cabriole12 en attaché. Et c'est la traduction d'une note de Richard Horton, rédacteur en chef du Lancet lors de la conférence de presse Mass Infection is not an option, en juillet 2021, il y a plus d'un an déjà. L'infection de masse n'est pas une option. Ce mot expérience qui a été utilisé est un mot très intéressant parce que le mot expérience commence par assumer une position d'incertitude. Vous faites quelque chose pour faire une découverte ou tester une hypothèse. Mais ce n'est pas ce que nous faisons ici. Nous savons exactement ce qui va se passer en suivant la voie dans laquelle le gouvernement s'est engagé. Nous savons qu'il y aura une augmentation des infections. Cela n'est pas une hypothèse expérimentale à tester. Nous savons que les hospitalisations augmenteront. Nous savons qu'il y aura une épidémie de Covid long. Et nous savons que nous créons les risques pour de nouveaux variants. Cela ne fait aucun doute. Donc ce que nous avons, c'est un gouvernement qui poursuit un engagement idéologique pour forcer la population à accepter un niveau de mortalité et de handicap dans le but de nous sortir de la situation dans laquelle nous sommes actuellement. Cela n'a rien à voir avec les données, rien à voir avec les expériences, c'est de l'idéologie de la droite libertarienne. Et je pense que tant que nous n'aurons pas affronté ce fait et expliqué cela clairement au public, qu'il ne s'agit pas de données, mais d'idéologie, nous ne comprendrons pas ce que fait ce gouvernement. Voilà, je vais mettre plein de ressources comme d'habitude en description de cette lecture, donc les liens vers le premier texte lui ainsi que cette traduction et sa vidéo originale. Je rajouterai la fiche pratique Covid-19 autodéfense sanitaire éditée par le syndicat des travailleurs et travailleuses du jeu vidéo, qui est une fiche très pratique comme son nom l'indique, pour comprendre ce qu'on peut mettre en place en termes de compréhension et de prévention vis-à-vis du Covid, mais pas uniquement du Covid, hein. Je rajouterai aussi le petit manuel à l'attention des gens qui voudraient voir plus souvent leurs proches fragiles en temps de pandémie, édité par le collectif Winslow Santé Publique, parce que c'est un des très très gros problèmes, c'est le manque d'organisation de tout événement, quel qu'il soit professionnel, qu'il soit syndical, politique, organisationnel ou familiale ou amicale, le manque d'organisation sur comment on fait de manière à limiter au maximum les risques d'infection, en fait. On a vraiment trop peu de réflexes là-dessus. La moindre des choses serait quand même de, à chaque fois, préciser, quand il y a des événements en intérieur, quelle sera la condition d'accessibilité pour les personnes dites fragiles, pour les personnes porteuses de handicap, quel qu'il soit. Ça serait déjà un minimum d'indiquer, ne serait-ce que « désolé, on n'a pas pensé à vous ». On le prend très très mal quand on lit ça, mais au moins, on sait qu'il y a quelque chose qui existe, en fait, que la maladie existe. Parce que pour l'instant, ce qu'on constate, essentiellement, c'est son invisibilisation, même par les personnes les plus concernées, même par les personnes qui vont être les plus impactées par la maladie, qui auront le plus de mal à se soigner, qui auront le plus de mal à s'en remettre, parce que le Covid ne touche pas tout le monde de la même manière, et plus on est en haut de l'échelle, des classes sociales, mieux on s'en sort, on le sait pertinemment. Donc la moindre des choses serait au moins de ne pas faire mine que ça n'existe pas. Voilà, je vais vous laisser. Prenez soin de vous et de vos proches. Personne ne le fera à notre place. À bientôt.